Tu vis, tu meurs. Tu vis, je meurs. Tu vis, tu meurs. Tu vis, je meurs. Je meurs. J'accepterai mon sort avec humilité, mon enveloppe charnelle affranchie par la mort, mon âme d'infidèle, elle te cherchera encore, iront au purgatoire sans trouver une issue, quelqu'un attend pour voir. Même si je regrette mes agissements perfides, je deviendrai l'arpète d'un ange ou d'un hybride, mais ma mémoire sera sauve, affranchie par ma belle, elle qui vaincut la cause de mes mondes parallèles, comme elle fit moi j'ose subir l'impardonnable. Elle dit de ma nécrose qu'elle est